Chapitre 49e. Changement à Milton. Pendant ce temps, les cheminées fumaient à Milton, les machines mugissaient et faisaient entendre leurs battements incessants. Le bois, le fer et la vapeur travaillaient sans intelligence et sans but. Mais la persévérance de leur monotone labeur était égalée par l'activité infatigable des vaillantes multitudes qui, pleines d'intelligence et de volonté, s'empressaient avec ardeur. Vers quoi ? On ne voyait pas de flâneurs dans les rues. Personne n'était sorti pour son plaisir. Tous les visages exprimaient l'anxiété. On recherchait les nouvelles avec une avidité fiévreuse, et les hommes se coudoyaient et se heurtaient sur le marché et à la bourse, comme ils faisaient dans la vie, avec tout l'égoïsme de la concurrence. Un nuage sombre planait sur la ville. Il y avait peu d'acheteurs, et ceux qui se présentaient étaient examinés d'un œil défiant par les vendeurs, car le crédit était menacé et les maisons les plus solides pouvaient voir leur fortune atteinte par les désastres qu'avaient subis les maisons de commerce maritime du port voisin. Jusqu'ici, il n'y avait eu aucune faillite dans Milton, mais par suite de toutes celles qui avaient eu lieu en Amérique, et même plus près, que de maisons de Milton avaient gravement souffert. Et chaque matin, on pouvait lire sur les visages ces questions que chacun osait à peine faire. Quelle nouvelle ? Qui a failli ? En quoi serais-je atteint ? Et si deux ou trois personnes se rassemblaient, elles s'entretenaient des maisons solides et se gardaient de faire la moindre allusion à celles qui, dans leur opinion, étaient menacées. Car une parole inconsidérée pouvait, dans ces temps difficiles, causer la chute de commerçants qui autrement eussent fait tête à l'orage. Et la chute d'une maison en entraîne toujours plusieurs autres. « Thornton est solide, » disait-on. « Ses affaires sont considérables, elles augmentent chaque année. » Mais il a une si bonne tête et il est si prudent, malgré son audace. Puis un homme en tirait un autre à part et, lui parlant à l'oreille, il disait « Les affaires de Thornton sont considérables, mais il a dépensé ses bénéfices à les étendre. Il n'a pas de capital en réserve. Il a renouvelé ses machines il y a 2 ans et cela lui a coûté on ne sait combien. » Le sage entend à demi-mot. Mais ce M. Harrison n'était qu'un envieux qui croissait. Cet homme avait succédé à la fortune toute faite de son père, et il avait craint de la perdre en changeant quoi que ce fût aux allures de celui-ci, mais il enviait chaque shilling que gagnaient ceux qui étaient plus hardis et plus habiles que lui. Mr. Thornton était réellement très embarrassé. Il était atteint dans son endroit sensible, sa fierté de la réputation commerciale qu'il s'était acquise. Artisan de sa propre fortune, il ne l'attribuait pas à son mérite personnel, mais à la puissance que donnait le commerce à tout homme brave, honnête et persévérant, de s'élever à une hauteur d'où il pouvait voir à l'aise le jeu des événements du monde et s'acquérir honnêtement, au moyen de ses vues étendues, plus de pouvoir et d'influence que dans toute autre carrière. Il avait voulu qu'au loin, à l'est, à l'ouest, au nord et au midi, là où sa personne ne serait jamais connue, son nom fût respecté, sa volonté accomplie et sa signature acceptée comme de l'or. Telle était l'idée que, dès le commencement de sa carrière, M. Thornton s'était faite de la vie d'un négociant. « Ces marchands sont comme des princes », lui disait sa mère, lisant le texte à haute voix. Et c'était là pour lui comme l'appel de la trompette qu'il excitait à la lutte. Il était, comme tant d'autres, occupé de ce qui se passait au loin, indifférent à ce qui avait lieu près de lui. Il avait voulu que son nom fût une puissance dans les pays étrangers et sur les mers lointaines. Il avait voulu être le chef d'une maison qui serait fameuse pendant plusieurs générations. Et ce n'était qu'après de longues années qu'il commençait à entrevoir ce qu'il pouvait être dans son propre pays, dans sa propre manufacture et parmi ses ouvriers. Eux et lui avaient longtemps vécu parallèlement, tout près les uns des autres, mais sans jamais se toucher, jusqu'à l'événement qui lui avait fait connaître Higgins. Une fois amené face à face avec un individu faisant partie des masses qui l'entouraient, en dehors du caractère de patron et d'ouvrier, il avait commencé à comprendre que nous avons tous un cœur humain. Ça avait été là le premier pas, et jusqu'à ce jour où la crainte de voir cesser ses rapports avec quelques ouvriers qu'il avait si récemment appris à connaître comme homme, et celle d'être obligé de renoncer, sans en avoir fait l'essai, à un ou deux plans qui lui étaient chers, rendait plus poignantes les inquiétudes qui venaient de temps en temps l'assaillir. Il avait ignoré combien, dans ces derniers temps, sa position de manufacturier lui était devenue précieuse, par cela seul qu'elle le mettait en contact perpétuel avec les ouvriers, et qu'elle lui donnait une si grande puissance sur une race d'hommes étranges, malicieux, ignorants, mais par-dessus tout plein d'énergie et de vifs sentiments humains. Il passait en revue sa situation actuelle. La coalition de l'année dernière l'avait empêché de livrer des commandes considérables qui lui avaient été faites. Il avait auparavant, pour satisfaire à ces mêmes commandes, employé une grande partie de son capital disponible au renouvellement de ses machines. Il s'était muni d'une immense provision de coton. Il n'avait pu remplir les engagements qu'il avait pris, à cause de l'extrême inhabileté des ouvriers irlandais qu'il avait fait venir. Une grande partie de leur ouvrage avait été perdue ou mise de côté, comme indigne d'être livrée par une maison qui se piquait de ne fournir que des articles de première qualité. Pendant plusieurs mois, la gêne occasionnée par les suites de la grève avait été un obstacle aux entreprises de Mr. Thornton. Et bien souvent, lorsque ses regards étaient tombés sur Higgins, il s'était senti disposé à lui parler avec colère sans aucune cause actuelle, mais par le sentiment du sérieux dommage qu'elle lui avait causé l'affaire à laquelle celle-ci avait eu part. Mais lorsqu'il s'était aperçu de cette disposition au ressentiment, il avait résolu d'en triompher. Il aurait pu se borner à éviter Higgins, mais il voulut au contraire se rendre maître de lui-même, en lui donnant accès auprès de lui toutes les fois que les règlements et son propre loisir le permettaient. Et bientôt, tout ressentiment disparut, devant l'étonnement qu'il éprouva en voyant comment des hommes tels que lui et Higgins, vivant du même commerce, travaillant à la même œuvre, bien que d'une manière diverse, pouvaient envisager la position et les devoirs l'un de l'autre d'une manière si étrangement différente. De là naquirent ces relations qui n'eussent peut-être pas eu à l'occasion le pouvoir d'empêcher les intérêts et les opinions de se heurter, mais qui, du moins, disposaient le patron et les ouvriers à plus de sympathie et d'indulgence réciproque. Outre cette amélioration dans les sentiments, Mr. Thornton et ses ouvriers découvrirent que, chacun de leur côté, ils avaient ignoré des faits positifs bien connus de l'autre partie. Mais on était arrivé à l'une de ces périodes fatales au commerce, où la diminution de la demande faisait baisser de valeur les grandes provisions. Celle de Mr. Thornton tomba à moitié prix. Il ne recevait aucune commande, par conséquent il perdait l'intérêt du capital employé à l'achat des machines. Il lui était même difficile d'obtenir le paiement des commandes qu'il avait livrées. Et cependant, il fallait subvenir à la dépense continuelle qu'exigeait la continuation des affaires. Puis vint le moment de payer les sommes dues pour le coton qu'il avait acheté. L'argent étant rare, il ne peut emprunter qu'à un taux d'intérêt exorbitant, et en même temps, il lui était impossible de rien vendre de sa propriété. Il ne désespéra pas cependant. Il travailla nuit et jour à prévoir les événements et à y parer. Il était aussi calme et aussi doux que jamais avec les femmes de sa maison. Il parlait peu à ses ouvriers. Mais maintenant ceux-ci le connaissaient. Et plus d'une réponse sèche et brève était reçue par eux avec d'autant plus de sympathie qu'ils en auguraient que le patron était inquiet et préoccupé. Ils étaient loin maintenant de cet esprit d'antagonisme contenu qui autrefois les rendait toujours prêts à le juger sévèrement et à mal parler de lui. « Le patron a bien des choses qui le tourmentent, » dit un jour Higgins, entendant Mr. Thornton demander d'un ton bref et mécontent pourquoi tel ou tel ordre n'avait pas été obéi, et remarquant le soupir qui lui avait échappé en passant devant une pièce où plusieurs ouvriers étaient en train de travailler. Higgins et un de ses camarades restèrent ce soir-là après l'heure du départ, sans en rien dire, pour faire l'ouvrage qui avait été négligé, et Mr. Thornton crut que le contremaître auquel il avait adressé des reproches avait fait la besogne lui-même. « Oh, je sais bien qui est-ce qui aurait été fâché de voir le patron assis là-bas comme une pièce de calico gris. » Le cœur de femme du vieux curé se serait brisé s'il avait vu le patron avec une figure si triste, pensait un jour Higgins en s'approchant de Mr. Thornton dans Marlborough Street. « Maître, » dit-il en arrêtant son patron dans sa marche rapide et décidée, et provoquant chez lui un geste de légère impatience, « avez-vous eu des nouvelles de Miss Margaret ces temps-ci ?»« Miss qui ?» répliqua Mr. Thornton. « Miss Margaret, Miss Hale, la fille du vieux curé. Vous savez bien vite de qui je parle, si vous vouliez seulement penser un peu à ce que je vous dis. » Il n'y avait rien d'irrespectueux dans le ton dont ces paroles étaient dites. « Oh, oui !» Et soudain, le visage de Mr. Thornton s'éclaircit, et il jeta un rayon de bienveillance sur celui qui lui parlait. « Elle est ma propriétaire maintenant, vous savez, Higgins. J'ai de ses nouvelles de temps en temps par son homme d'affaires d'ici. Elle va bien. Elle est avec des amis. »« Merci, Higgins. » Le merci qui était venu peu après le reste de la réponse et qui cependant avait été dit si chaleureusement éveilla certaines idées chez Higgins. Ce pouvait n'être qu'une fausse piste, néanmoins il résolut de la suivre et de voir où elle le conduirait. « Et elle ne se marie donc pas, maître ? » continua-t-il. « Pas encore. » Et le visage de Mr. Thornton redevint sombre et sévère. « Il en est question, cependant. Ce serait avec un parent de sa cousine. » « Alors je compte qu'elle ne reviendra pas à Milton. »« Non. »« Un instant, patron. » Et s'approchant d'un air confidentiel de Mr. Thornton, il lui dit à l'oreille « Le jeune monsieur est-il justifié ?» Et il accompagna cette question d'un clignement d'yeux qui ne fit que rendre la chose plus inintelligible à son patron. « Le jeune monsieur, je veux dire maître Frédéric, comme il l'appelait, son frère qui est venu ici. »« Vous savez bien, ici. » « Sans doute, à la mort de la dame. N'ayez pas peur que je dise rien. Marie et moi, nous avons toujours su la chose et nous l'avons gardée pour nous, car nous l'avons apprise parce que Marie travaillait dans la maison à ce moment-là. Il est venu ici et c'était son frère ?»« Sans doute. Je croyais que vous le saviez, sans quoi je ne vous en aurais jamais parlé. Vous saviez qu'elle avait un frère ?»« Oui, je sais tout ce qui la concerne. Mais il était donc ici au moment de la mort de Mrs. Hale ?» « Je ne veux pas en dire plus long, j'ai peut-être déjà fait une sottise, car ils ont gardé cela très secret. Je voulais seulement savoir s'ils avaient pu le faire absoudre. »« Non, pas que je sache, mais je n'ai des nouvelles de Miss Hale que par son homme de loi. » Puis Mr. Thornton quitta Higgins pour aller à ses affaires, le laissant tout désappointé. « C'était son frère, » se dit Mr. Thornton. « J'en suis bien aise. Peut-être ne le reverrai-je jamais. » Mais c'est une consolation, un soulagement pour moi de savoir cela. Je savais qu'elle ne pouvait avoir commis une inconvenance et cependant, j'aspirais en avoir la conviction. Maintenant, je suis content. C'était un mince fil d'or traversant le sombre tissu de sa fortune présente qui devenait chaque jour plus menaçante. Un de ses agents m'a mis sa confiance en une maison américaine qui venait de tomber avec beaucoup d'autres. Car en ces temps difficiles, c'était comme pour un château de carton. La chute de l'un entraînait celle de l'autre. Quels étaient les engagements de Mr. Thornton? Pourrait-il faire tête à l'orage? Chaque soir, il emportait dans sa chambre ses livres et ses papiers, et veillait longtemps après que tous s'étaient couchés. Il croyait que personne ne savait qu'il employait à ce travail les heures qu'il aurait dû consacrer au repos. Un matin, au moment où le jour commençait à percer au travers de ses persiennes fermées, et alors qu'il se disait avec découragement et indifférence qu'il se passerait bien cette nuit-là, des 2 heures de sommeil qu'il se réservait habituellement avant de recommencer les travaux de la journée. La porte de sa chambre s'ouvrit et il vit sa mère debout, dans le costume qu'elle avait porté la veille. Elle ne s'était pas couchée non plus, leurs yeux se rencontrèrent, leur visage était pâle et fatigué par cette veille prolongée. « Mère, pourquoi n'êtes-vous pas au lit ?»« Mon fils. » « Croyez-vous que je puisse dormir tandis que l'inquiétude vous tient éveillé ?»« Vous ne m'avez pas dit ce qui vous tourmente, mais depuis plusieurs jours je vois que vous souffrez de rudes peines. Le commerce va mal. Et vous redoutez ?»« Je ne redoute rien, » répliqua-t-il en relevant la tête avec fierté. « Je sais maintenant que je ne ferai rien perdre à personne. C'était là ce qui m'inquiétait. »« Mais où en êtes-vous ? Ferez-vous, sera-ce une faillite ?» dit Mrs. Thornton d'une voix tremblante d'émotion. « Non, pas une faillite. Il faut que je quitte les affaires, mais je paierai tout le monde. Je pourrais me relever, je suis rudement tenté. »« Comment cela, John ? Soutenez l'honneur de votre nom. Courez pour cela toute espèce de risque. Comment pourriez-vous vous relever ?»« Par une spéculation qu'on me propose. Elle est pleine de dangers, mais s'il réussit, je serai au-dessus de mes affaires et personne ne saura rien des difficultés où je me suis trouvé. » Mais si elle échoue ? Si elle échoue ? Répéta Mrs. Thornton en posant sa main sur le bras de son fils et le regardant avec une curiosité avide. Elle retenait sa respiration pour entendre sa réponse. Si elle échoue, d'honnêtes gens auront été ruinés par un coquin, dit-il d'un air sombre. Dans ma position actuelle, l'argent de mes créanciers est en sûreté. jusqu'au dernier sou. Mais je ne sais pas où est le mien. Peut-être n'ai-je plus rien à l'heure qu'il est. Donc, c'est de l'argent de mes créanciers que je risquerai. Mais si vous réussissez, ils n'en sauront rien. Cette spéculation est-elle donc si hasardeuse? Je suis sûr que non, sans quoi vous n'y auriez pas songé, si elle réussissait. Je serais riche, mais j'aurais perdu la paix de ma conscience. Pourquoi? Vous n'auriez fait de tort à personne. Non, mais j'aurais couru le risque de ruiner plusieurs personnes pour un misérable avantage. Ma mère, je suis décidé. Cela ne vous fera pas beaucoup de peine de quitter cette maison, n'est-ce pas, ma bonne mère? Non. Ce qui m'affligera, ce sera de voir descendre de la position que vous aviez acquise. Qu'allez-vous faire? Je serai toujours le même John Thornton que par le passé, tâchant de bien faire et me trompant souvent, puis recommençant bravement. Mais cela est dur, ma mère. J'ai tant travaillé, tant fait de plans. J'ai découvert trop tard une nouvelle puissance dans ma position et maintenant tout est fini. Je suis trop vieux pour recommencer le même cours. Cela est bien dur, en vérité, ma mère. Il s'éloigna d'elle et cacha son visage de ses mains. « Je ne comprends rien, » dit Mrs. Thornton d'un ton de sombre révolte. « Voilà mon bon garçon qui est un bon fils, un homme juste, un cœur tendre, et il échoue dans tout ce qu'il entreprend. Il aime une femme, et elle ne se soucie pas plus de lui qu'elle n'eût fait de l'homme le plus ordinaire. Il travaille nuit et jour, et il travaille en vain, tandis que les autres prospèrent, s'enrichissent et tiennent leur misérable nom bien haut au-dessus de la honte. La honte n'a jamais approché de moi, » dit à voix basse Mr. Thornton. Mais sa mère continua. Je me suis souvent demandé où était la justice, et je suis convaincu qu'il n'y en a aucune dans le monde, maintenant que je te vois réduit à cette extrémité, toi, mon cher, bon, courageux fils. Quand nous devrions mendier ensemble, je n'en serais pas moins fier d'être ta mère. Elle se pencha sur lui et l'embrassa à travers ses larmes. Ma mère, dit-il en la serrant doucement entre ses bras. Qu'est-ce qui a réglé mon sort en ce monde, pour le bien et pour le mal? Elle secoua la tête. Elle ne voulait pas entendre parler de religion en ce moment. Ma mère, continua Mr. Thornton, voyant bien qu'elle ne voulait pas répondre. Moi aussi, j'étais rebelle, mais je m'efforce de ne plus l'être. Aidez-moi comme vous m'aidiez lorsque j'étais enfant. Vous me disiez de bonnes paroles, lorsque mon père mourut et que nous restâmes bien plus pauvres que nous ne le serons maintenant. Vous me disiez des paroles courageuses, nobles, confiantes, que je n'ai jamais oubliées. Parlez-moi de nouveau ainsi, ma mère. Ne soyons pas comme des gens dont les richesses ont endurci le cœur. Si vous me répétiez les paroles d'autrefois, il me semble que je retrouverai quelque chose de la pieuse simplicité de mon enfance. Je me l'ai dit bien bas moi-même, mais elles auraient plus de force venant de vous, qui avez eu à supporter tant de maux et d'épreuves. J'ai eu bien des peines, il est vrai, mais aucune aussi rude que celle-ci. Vous voir descendre de la place qui vous appartient. Je me résignerais bien pour moi-même, John, mais pour vous, c'est impossible. Non, pas pour vous. Dieu a jugé à propos de se montrer bien dur envers vous. Et tout son corps était secoué par les sanglots, qui sont presque toujours convulsifs chez les personnes âgées. Tout à coup, elle fut frappée du silence qui s'était fait, et elle se contint pour écouter. Elle n'entendit rien, leva la tête et vit son fils appuyé sur la table. « Oh, John !» s'écria-t-elle, et elle lui souleva la tête. Il était si pâle, l'expression de ses yeux était si triste et si étrange, que l'idée qu'il allait mourir traversa l'esprit de sa mère. Mais lorsqu'elle vit la rigidité du visage faire peu à peu place à la couleur naturelle, et son fils revenir à son état accoutumé, tout sentiment d'humiliation mondaine disparut devant celui du bonheur que lui apportait sa seule existence. Elle comprit ce qu'elle devait de reconnaissance à Dieu pour lui avoir donné un tel fils, et elle l'en remercia avec une effusion et une ferveur qui chassèrent de son esprit tout sentiment de rébellion. Mr. Thornton ne pouvait encore parler. Il alla ouvrir la fenêtre et les persiennes, et la lumière rouge du soleil à son lever entra dans la chambre. Le vent était toujours de l'est, et le temps d'un froid piquant, comme il était depuis plusieurs semaines. Il n'y aurait pas cette année demande pour les vêtements légers du printemps. Il fallait abandonner ce dernier espoir de voir se relever le commerce. Ce fut pour Mr. Thornton une grande consolation d'avoir eu cette conversation avec sa mère. et de sentir que bien qu'ils gardassent dorénavant le silence sur tous ces sujets d'anxiété, ils comprenaient leurs sentiments réciproques, et que s'ils n'étaient pas en parfaite harmonie, ils n'étaient pas du moins en désaccord dans leur manière de les envisager. Le mari de Fanny fut blessé du refus que fit son beau-frère de prendre part à la spéculation qu'il lui avait proposée, et s'excusa de lui venir en aide sur ce qu'il avait besoin de toutes ses ressources pour cette même affaire. Il fallut enfin en venir à ce que Mr. Thornton redoutait et prévoyait à la fois depuis plusieurs mois. Il lui fallut renoncer au commerce dont il s'était si longtemps occupé avec honneur et succès, et chercher dans Milton une position subordonnée. La manufacture de Marlborough et la maison et les terres adjacents étaient louées à long bail. Il fallut chercher à les sous-louer. Plusieurs emplois furent immédiatement offerts à Mr. Thornton. Mr. Hamper se serait estimé heureux de l'associer à son fils, qui allait s'établir avec un capital considérable dans une ville voisine. Mais ce jeune homme n'avait reçu qu'une demi-éducation quant aux connaissances nécessaires au commerce, et il n'en avait reçu aucune sur toute autre science que celle de gagner de l'argent. Mr. Thornton refusa donc une association qui ne lui permettait pas de faire l'essai des plans qui avaient survécu au naufrage de sa fortune. Il eût mieux aimé être contremaître avec un certain degré de pouvoir en dehors des questions d'argent que d'avoir à se soumettre à l'humeur tyrannique d'un riche associé avec lequel il était sûr de se quereller avant 3 mois. Il attendit donc et se tint humblement à l'écart, tandis que se répandait à la bourse la nouvelle de l'immense bénéfice qu'avait réalisé son beau-frère au moyen de sa spéculation hardie. C'était la merveille du jour. Le succès amena avec lui sa conséquence habituelle, l'admiration, et personne ne fut estimé plus sage et plus clairvoyant que Mr. Watson.